Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Critique de Crowd, critique les foules. Félicitations pour ta perspicacité. Mais oui, je suis avec toi, Crowd, et des fois, je t'observe de loin, des fois, tu me surprends et je vais vers toi. Ce sera le cas pour... Une anecdote de mon merveilleux quartier qui est Hochelaga-Maisonneuve, il y avait un trésor de foule qui s'y cachait pendant genre 25 ans. Là. Oui, je n'y étais pas pendant ces 25 années non plus dans Hochelaga, mais bref, ça allait deux fois par semaine, puis j'ai jamais vu ça passer. Je capote, je te compte ça dans pas long. Mais sinon, je suis aussi avec toi, Crowd, dans le mosh pit, voir s'il est cordial, sympathique, si ça pousse assez. Ouais, c'est quand même bien d'avoir un bon petit coup de coude rassembleur. Et ce sera-t-il le cas? Moi, j'ai envie de poser la question au lieu de déjà la fermer. Ben oui, Guérilla Poubelle est en spectacle hier au ministère. Oui, le bar sur Saint-Laurent. Et sinon, en spectacle, il y avait avec eux Bat-Bat, il y avait Noé Talbot, il y avait Varlop. Alors, critique de tout ça. Et pour les habitués de l'émission, ouais, ce n'est pas ma première critique de Guérilla Poubelle. Peut-être je vais pouvoir faire de meilleurs comparatifs avec leur précédente prestation à Montréal. C'est à suivre. Mais pour mieux vous parler de mon merveilleuse anecdote dans Hochelaga Maisonneuve, ben ouais, on va être thématique musicalement avec une chanson qui s'appelle Hochelaga. Ça s'appelle Hochelaga du groupe Nicolet. J'espère que tu as apprécié ce long moment musical à Critique de Crowd. Ça... ouais, je ris beaucoup de moi parce que j'ai la bonne capacité de vous passer des tunes qui durent juste une minute sur les ondes de CISM. Alors, pour notre bonne vocation de vous faire découvrir le plus de musique possible, ouais, d'habitude, j'y vais moins avec les longueurs de chansons. Mais cette fois-ci, ça me tenait à cœur de vous passer une chanson d'Oshlaga qui s'appelle Oshlaga et qui a été enregistrée dans Oshlaga. Si je ne me trompe, c'était dans le studio là, qui est juste au-dessus du village des valeurs. Enfin, la grande famille de Chivi Chivi Records. Alors voilà, vous avez entendu Oshlaga de Nicolet. Je voulais vous la passer parce que je la trouve lumineuse. Je trouve qu'on dit... je trouve qu'il y a des confettis quand on l'écoute. Et ça donne le goût de danser. C'est à suivre pour mon anecdote parce que j'y ai découvert très dernièrement une foule... Oh mon Dieu! Je capote encore! Je... Tu sais, marcher puis se perdre dans son quartier, des fois, on a l'impression qu'on le connaît relativement bien, même s'il peut être grand dans mon cas, Hochelaga-Maisonneuve, qui pourrait être séparé entre Hochelaga-Maisonneuve et la section plus vieille aussi, tu sais, Vieux-Ville, qui fait maintenant partie de Maisonneuve. Et même politiquement, on pourrait dire Hochelaga-Maisonneuve et Mercier. Alors, tu vois comment ça peut être grand sans fin. Et si on parlait de Mercier, effectivement, je m'y connaîtrais pas en tout. Fait que, vois-tu, j'étais dans mon quartier et je me promenais parce que j'avais décidé qu'il faisait chaud, étonnamment, hein? Dans les dernières semaines, on n'a pas besoin de le dire. Alors voilà, je mangeais la bonne crème en glace, Hochelagienne, et je me promenais comme ça dans le quartier, et j'entends de la musique. Et je vous ai déjà parlé dans les semaines précédentes des shows de ruelles, fait que quand j'ai entendu la musique, mais qui était... Mon Dieu, quel qualificatif se servir... Ben oui, plus populaire, des chansons, des classiques québécois, plutôt dansants. Mais je me suis dit que c'était des reprises. Enfin, j'avais vraiment des doutes sur la provenance. Puis aussi, je trouvais que la ruelle Gabouré était plutôt loin. Alors, j'entends la musique et je suis curieuse. Et mes oreilles avancent pour moi, alors je suis guidée par la musique. Et j'arrive à côté du marché Maisonneuve. Il y a plein de monde. Il y a vraiment plein de monde. Il y a plein de chaises pliantes. Un spectacle, quoi. Mais il y avait pas exactement de spectacle. Je réalise pas encore tout à fait. Il y a quelqu'un, un monsieur, sur un stage. Et moi, la première affaire que j'entends quand il parle, c'est les fraises. La meilleure place où les fraises sont les meilleures, c'est en Italie. Et je trouvais que c'était étrange comme phrase. Et étant donné que ça était à côté du marché Maisonneuve, je cherchais les liens, tu sais, entre fraises et le marché, et le fait que des gens dansaient. Oui! J'étais vraiment dépassée par les événements, là, je tiens à te le dire, crowd. Je suis dans mon quartier, je pense un peu le connaître un minimum, puis là, il y a comme 50 danseurs de danse sociale devant, là, ouais, à côté du marché, et qui dansent relativement en solo, parce que là, c'est le moment qu'on va savoir que je m'y connais pas tant en danse sociale, là, mais disons, les danses qui se font pas à deux, là, celles qui se font plutôt en ligne, danse en ligne. Et sinon, il y a même parmi les gens qui dansent, parce que comme je vous ai dit, il y avait beaucoup de chaises, fait qu'il y a des gens qui assistaient à la danse. Il y en a d'autres qui y participaient et ils étaient extrêmement nombreux. Et il y en avait d'autres qui étaient même hors piste de danse, qui avaient décidé d'être sur le trottoir pour simplement se laisser guider par la musique, mais vraiment danser avec leur propre style. Puis ouais, c'était assez sympathique. Quand je dis leur propre style, je pense pas à quel point ils improvisaient plutôt qu'ils exerçaient un autre type de danse que la danse en ligne. Je ne le savais pas encore, mais j'étais en train de vivre les journées, et plus, je devrais plutôt dire les soirées, puisque ça se passe de 19h à 22h, les soirées dansantes de Hochelaga-Maisonneuve qui existent depuis 25 ans! 25 ans! Je capote! Ben oui, c'est un rendez-vous qui est deux fois par semaine, les jeudis et les dimanches, et les gens se réunissent à la place Gennevilliers, la liberté du marché Maisonneuve. Le tout, c'est organisé par le CCSCE. OK, cet acronyme veut dire le Centre communautaire culturel, social et éducatif, tout comme moi tu seras. J'espère que t'es heureux de savoir que veut dire cet acronyme, quand même pas pire long. Ben ouais, c'est une activité organisée complètement gratuitement. C'est beau! Oui, c'est vraiment juste donné avec... je crois qu'ils ont pas de subvention, ils ont un petit peu d'aide, je crois, ici et là, mais la moitié du programme est rémunérée là, par des dons des participants, et ils sont assidus. Il y en a, là, paraît-il qu'ils arrivent dès 2h l'après-midi avec leur lunch, juste pour avoir un bon spot, parce que je te dis, il y en a du monde qui viennent danser avec pas n'importe quel j'allais dire pas n'importe quel danseur, mais surtout n'importe quel animateur et professeur, Ronald Lacoste. Écoute, Ronald, il a des commentaires, comme tu peux l'avoir entendu avec son histoire de fraises et d'Italie, plutôt colorés. Et je crois que là, si mes recherches sont bonnes, ça fait quoi, une quinzaine d'années qu'il est prof? Je sais pas si ça fait 15 ans exactement qu'il donne ces cours-là dans Schlaga Maisonneuve, mais c'est lui, par contre, qui confirme que, ouais, genre, les gens sont vraiment au rendez-vous et que le fait que ça dure depuis aussi longtemps, ben, c'est l'assiduité. Je trouve ça beau, je trouve ça écœurant, sincèrement, là. Puis ils connaissent le monde. J'ai bien saisi qu'ils connaissent le monde, moi, avec les commentaires qu'ils pouvaient faire à un moment donné. Il y a une madame qui s'en va. Puis là, il dit, ah, on va faire une autre rumba si ça vous fait rien. Je sais pas, il était rendu à combien, parce qu'en tout, ils ont fait 40 danses. Oui, oui, 40 danses. Et juste avant, il a dit bye-bye Pierrette. Il a pris le temps de dire bye-bye Pierrette. Pierrette, c'est clairement inhabitué. Je veux dire, s'il prend le temps pendant qu'elle s'en aille. Il a même eu le temps de dire une blagounette comme quoi, hey, les gens partaient à l'heure, pas mal à l'avance. Vous devez avoir une petite date. Hey! Que... Hey, non, mais c'est le genre de blague que tu peux te permettre juste quand tu connais le monde, tu sais. Présumé avoir une date avec Pierrette. Et là, là, j'étais comme vraiment dépassée par les événements, à la fois pour cette dame sur une place publique et le fait, oui, c'est le ton de l'animation. Puis clairement, ça marchait. Là. Il y avait vraiment un sentiment de proximité entre l'animateur et sa grande foule. Oh mon Dieu, à un moment donné, pour une autre danse, il a dit « on pousse le jambon ». Je pense que c'était pour une forme de déhanchement ou d'utiliser son bedon pour danser. Alors, « on pousse le jambon ». Puis il l'a pas dit juste une fois, là. Il fait comme moi. Là. Il a dit au moins deux, trois fois « on pousse le jambon, pousse le jambon ». J'ai dit « oh mon Dieu, il est bien incroyable comme monsieur ». C'est vrai qu'il donne le goût de danser. Je me suis pas immiscée, parce que je sais pas trop s'il faut arriver comme à l'heure où tu peux t'inclure quand tu veux. Je présume que tu t'inclus parce que à un moment donné, il y a même des madames qui se sont accourues pour rejoindre la danse. Mais je me suis dit aussi, ils ont peut-être pris un break. Faut-tu payer? Faut-tu pas payer? J'étais un peu dans la... Ouais, j'étais dans la méconnaissance pour ma découverte des danses sociales dans Schlaga Maisonneuve. Et ouais, c'est pour la crowd. Danse sociale, je sais pas pour toi qu'est-ce que ça rime. Est-ce que ça rime âge d'or? C'est vrai qu'il y en avait quand même beaucoup, mais je tiens à mentionner qu'il y avait, oh, de la folle jeunesse. La jeunesse n'a pas d'âge en passant, là, mais... Il y avait un couple, comme, de, disons, 20 ans dans la trentaine, qui vraiment se démarquait du lot, faut le dire, parce que... il faisait pas exprès. Mais en même temps, il s'amusait... Mais pas qu'il s'amusait trop, mais on voyait qu'il était un peu décalé, puis étant donné qu'il... Il suivait pas exactement les pas de danse. On voyait que l'amusement avait dépassé la volonté d'être plus technique, là. C'était... Il ressortait vraiment du lot, si je peux dire. Fait que des fois, oui, il essayait de suivre la danse, puis d'autres fois, là, c'était un peu n'importe quoi. Mais pas du n'importe quoi comme grossier, où je ris de la situation, où je me prends pas au sérieux, mais plutôt parce que c'était des petits mouvements rigolos, vraiment des fioritures, comme une tentative d'avoir voulu faire le même mouvement, mais finalement, tu t'écartes complètement, puis tu as des petits mouvements de bras que personne d'autre fait, des petits pas de pied également. Alors là-dessus, j'ai aussi senti que tout le monde tu vas être les bienvenus grâce à ce couple, parce que quand tu regardes les autres, c'est tight. Écoute, si ça fait 25 ans que tu danses là-bas, OK, on sait bien que c'est pas tout le monde qui danse depuis les débuts, mais étant donné l'assiduité, se faire une place et se sentir à l'aise, ça peut être quand même certains niveaux à atteindre, même si, encore une fois, c'est une activité plaisante, gratuite, accessible. Ah là là! Peut-être un jour, je vous ferai la critique à l'interne de la danse sociale qui se passe à côté du marché Maisonneuve. Mais vraiment, j'ai été d'une belle surprise. Là. Je me suis dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe dans le Schlag? Puis je trouve ça beau comment les gens peuvent se réunir, que ça coûte rien, puis que c'est plaisant, puis que les gens, ils sentent, ouais, hein, ensemble. Oui, tout ça, c'est bien beau, belle critique de crowd. Sur ce, ben j'ai bien pas le choix de avoir une toune qui parle de danse sociale. Alors, allons entendre « Essaye pas » et la chanson. Ben ouais, danse sociale. social. Plaisir illégal. Danse. Danse sociale. Plaisir illégal. D'entendre Essaye pas et leur chanson Danse sociale sur les ondes de CISM à Critique de Crowd. Et à Critique de Crowd! Ben oui, souvent je mets beaucoup de parenthèses et des fois il y a beaucoup de détails parce que vois-tu, Crowd, aller voir un spectacle, ce n'est pas que le spectacle en soi. Il y a le fait d'y aller, le contexte, la salle et... l'heure du spectacle. J'en parle souvent. J'assume moi-même, je le dis trop souvent, et que j'arrive en retard en spectacle parce que, bon, sûrement pour trois raisons. La première, c'est mauvaise gestion du temps. La deuxième, l'agenda. Des fois, tu sais, on arrive en retard parce qu'on a juste pas le choix dans la vie. La troisième... Ah ben peut-être j'en avais juste deux finalement. Peu importe. Tout ce que je veux dire par là, c'est que le spectacle de Guerre la poubelle, il était marqué, ça commençait à 7h30 au ministère. Et oui, j'avais bien l'intention de voir tous les groupes et avec mes comparses de foule, on s'était aussi bien convenu d'arriver tôt parce qu'on voulait être couche tôt un mercredi soir. Alors j'étais bien motivée d'être à l'heure. Là, tu vois déjà que ça marche pas parce que je parle au passé. Non, aussi parce que c'est passé hier, mais ouais. Ouais. Je crois que cette semaine, j'ai la raison la plus pourrie au monde pour être en retard. C'est vraiment la plus pourrie parce que c'est niaiseux. Oh mon Dieu. Je suis arrivée en retard parce que, bon, me prépare pour partir, je mange et j'ai cuisiné avec beaucoup trop d'épices. J'ai mis trop de poivre de Cayenne. Vous me direz, Jolaine, peut-être que tu manges pas très épicé, t'es pas habituée. Non, j'en avais vraiment mis comme une trollée, là. Tu sais, c'était comme, ah, veux-tu en v'là de la Cayenne? Yes, sir. Fuck, c'était vraiment... C'est vraiment trop épicé. Il y a une expression, je sais pas si c'est une expression très répandue, tu pourras me le confirmer en m'écrivant sur le Facebook de Critique de Crowd. Crowd? Ouais! Il y a une expression que je connais qui dit quand c'est trop épicé ou n'importe quelle épice qui est trop présente ou trop salée, même, on dit que le cuisinier est en amour. Ben ouais, parce que là, tu sais, il était dans sa tête, pis là, il a mal calculé ses mesures. Mais écoute, ce serait bien plaisant que la cuisinière était en amour. Non, j'étais juste comme trop généreuse de l'épice. Je sais pas cuisiner. Dans le fond. Fac! Ça m'a pris super du temps à manger parce que, comme, oh mon Dieu, je suis incapable de manger rapidement. Oui, je vous avais dit que c'était la raison la plus niaiseuse, la raison la plus étrange pour arriver en retard à un spectacle, mais ce sera celle-là. C'était manger vraiment, vraiment trop épicé. Fait que pendant que je suis là en train de me brûler la gueule chez nous, ben j'arrive à 7h49, stressée, déçue, de me dire, oh non, je suis pas arrivée à 7h30. Ah! Là, ça aussi, ce cri était aussi pour passer de l'air dans ma bouche pour que ça soit moins fort. Finalement, qu'est-ce que j'apprends quand j'arrive à la salle? Que ce n'est pas du tout commencé et que ça commençait à 8h30, même si l'événement Facebook marquait 7h30. Porte 7h, 7h30 le premier Ben. Ah! Non, j'étais pas heureuse de savoir que j'avais pas manqué le premier Ben. Comme, c'est un peu étrange que ma joie de pouvoir voir tous les groupes n'a pas d'égal à ce sentiment de m'être fait avoir. Ah, j'étais comme, mais non, c'était pas un retard de spectacle parce que vous autres avec, vous êtes mal organisés, là, tout comme moi avec moi, ma gestion du temps. Pas parce qu'il est arrivé X, Y anecdote qui fait que quelqu'un est en retard, un pépin, la route, des pneus qui éclatent, quelque chose. Non, c'était volontaire, prémédité, tout simplement pour que les gens puissent arriver à l'heure. Et ça, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que, dans mon sens à moi, c'est comme un manque d'honnêteté. Moi, je préfère les événements qui marquent. Hey, on commence à 7h tapant. Arrive à l'heure, s'il te plaît, parce que nous, on va respecter l'heure. Je sais, on est rendu là dans la vie, parce que oui, on commence tout plus tard, parce qu'on veut que les gens soient présents. Puis là, pour qu'ils soient présents, ben on décale. Mais je crois qu'il faut un petit peu retravailler là-dessus. Et moi non plus, je suis pas l'exemple de de bien réussir là-dessus. Ça, faut que je me dompe pour arriver à temps, puis gestion du temps, puis que pas tout prend 5 minutes dans la vie, Jolaine. Non, les choses prennent du temps. Comme se déplacer. Et il parvient des pépins dans les déplacements. Fait que, ah! J'aimerais vraiment, et je parle à tous ceux qui organisent des événements en général, tout le monde, on peut-tu comme mettre les vraies heures à un moment donné? Puis comme oui, si je suis en retard, je vais le mériter, mon retard. Mais au moins, je sais pas, là, mais... Ah! Je suis arrivée là-bas, puis j'étais très choquée. C'est pas une bonne émotion pour commencer un spectacle, ça. Non! Non. Alors, sur ce... non, j'ai quand même passé une bonne soirée, mais je tenais quand même à faire cette parenthèse, parce que je trouve qu'on s'aide pas. On peut-tu un jour marquer les vraies heures à un moment donné? Colin, hey! Gros moment éditorial à Critique de Crowd. Sur ce, j'étais allé fort dans mes choix de chansons. J'étais choquée à ce moment-là encore. Fait que j'ai dit mensonge! Mensonge de dur cœur sur les ondes de CISM. Yeah.

Vous venez d'entendre de... J'allais dire la bien explicite, mais en même temps, ils sont pas vulgaires, ils sont juste crus, tout simplement. Trop belles! Qui est en écoute exclusive sur le site de CISM, cism893.ca? J'ai aussi choisi cette chanson parce que, de mon très humble avis de critique de crowd, il me paraît à mon oreille, c'est la toune la plus rock de ce EP. Qui sera lancé? Et regardons ça à l'ESCO, direct à soir. Fait que voilà, je te suggère bien fortement d'aller les découvrir en vrai de vrai. Parce qu'ils sont aussi bien colorés. Juste en photo, alors j'imagine en personne. Alors voilà, ben oui, t'écoutes critiques de crowd et des critiques de foule, mais faut que t'envoies. Voilà une première suggestion, mais j'en ai tout plein d'autres pour toi cette semaine. Et même pour ce soir, puisqu'au Piranha Bar, il va y avoir Strengthen What Remains avec Kennedy, Gutter et Offset. Alors, si t'as envie que ça brasse, hein, ça va être assez garanti au Piranha Bar. Vendredi, si tu fais le Rockabilly Psycho Billy pour ton vendredi 13, soit au Lion d'Or, voir Coffin Cats, Gumdam Gallows, Viva Le Vox, Hard Hop. Vendredi commence également à Saint-Paul-Nord-Rivière-Eva. Ça paraît que là, je sais plus exactement qu'est-ce qui est où dans cette place-là. Je sais que ça se passe au poulailler. Je sais que je ne suis toujours pas allée au Rotfest. Alors, ça commence vendredi, ça se termine le lendemain. Le samedi, des grosses soirées avec, entre autres, les Sprat, avec Mort et Noir, Disquiet Army en full band, Patente, Basalt, Anteos. Fait que voilà, oui, quand même des groupes que j'aime beaucoup vous passer. Alors, je vous suggère de me ramener la critique de crowd parce que non, je ne pourrais pas me déplacer pour le Rotfest cette année. Ce sera à suivre pour une édition suivante. Je vous souhaite aussi de bien continuer parce que vous faites de la belle job. Tu sais, imagine, je vais retourner l'année d'après. Ça va me rappeler qu'il faut vivre le moment présent. Alors voilà, toi, ramène la critique de crowd, je le répète encore sur Facebook, par courriel. Ça me fait bien, bien plaisir. Sinon, ben d'autres suggestions comme samedi, ça me fait rire. Je sais pas pourquoi, des fois, on se perd dans les interwebs, là, puis je suis tombée sur... c'est un événement, mais c'est surtout une annonce. C'est une navette gratuite qui se rend au Parc national de Yamaska. Ça commence samedi, puis ça va être là de même pour tout l'été. Je trouve ça quand même assez magique. Bon, après ça, il faut que tu payes aussi pour rentrer dans le parc, là. Pas tout est gratuit. Mais c'est tout comme moi, des fois, les déplacements qui demandent du gaz, ben t'es plutôt limité. Ben c'est plutôt charmant d'avoir une navette gratuite si tu veux aller t'évader. Alors voilà, le début, ça commence au Square d'Orchester, juste pour que tu saches. C'est bien fun que ça soit gratuit, mais il faut bien que ça commence à quelque part. Dimanche, les Gala Jones vont jouer avec Reanimator au Fofun électrique lundi. Gros lundi, des fois, hein, j'ai la misère à vous faire des suggestions lundi parce que le monde trouve que c'est une journée plate, fait qu'on la discrimine dans les jours de la semaine. Mais lundi sera un gros lundi puisque Radiohead va remplir le Centre Bell. Mardi, il va y avoir Scotalites. Et j'espère que je l'avoir bien dit, les Scotalites. Ouais! Enfin, c'est un groupe qui existe depuis 1964 et c'est surtout les précurseurs du ska. Alors, je vais essayer bien fortement. J'espère que j'ai rien ce jour-là parce que je suis curieuse de les découvrir durant les Nuits d'Afrique. Mercredi, finalement, pour une soirée un peu plus punk ambiant, danse punk expérimentale, Revival Envy vont jouer à la Casa del Popolo. On va continuer en musique avec les chansons du palmarès francophone de CISM. Allons-y en folk avec Frank Cousteau et Après l'asphalte. Je me lève, je me couche, y a rien qui change. À part la date et les saisons. Coloc avec mes obsessions, mes inquiétudes, mon ignorance. Faudrait que je fasse un peu de ménage. Que je prenne des décisions. Peur de rester juste assez sage pour comprendre que je suis un moron. Je fais rarement ce qu'il faudrait. Guidé par ma paresse immense. Me manque la foi, la discipline, l'urgence de vivre et la confiance. De ceux qui bâtissent de grandes choses et qui n'ont pas peur de l'échec. Pendant que je me décompose, l'angoisse au cœur, la clope au bec. De mauvais choix, de plan bancal en idée cave. Peut-être que j'ai manqué ma voix, peut-être que j'ai manqué mon lift, vers où je serais au bon endroit. Y'a-tu quelqu'un qui vit la vie que j'étais supposé avoir? Peut-être que j'ai la sienne aussi. Encore obligé d'être moi-même, avec ma bédaine pis ma peau blême. Pourtant hier quand j'étais chaud, j'étais sûr d'être un super héros. J'aime les papillons, les oiseaux, même si je voulais les imiter. C'est bien juste dans les étalages que je réussis à voler. Que je pouvais faire, mais que j'ai jamais essayé, par insouciance ou par lâcheté. J'aurais peur d'y trouver le bonheur, pétrifié là à tout jamais. Qui me dirait falloir que tu meurs sans m'avoir connu pour de vrai. Du monde, on n'aura pas peur des corses, ni des douches frettes, même si tout le monde s'écorche, à coups de machette, à grands coups de couteau, partout. On passera par la Maine pour se montrer à tout le monde, se montrer qu'on peut s'aimer, même si on est fait, la fin du monde s'allume une dernière cigarette avant que le feu ne pogne, partout, partout. Et quand il va falloir partir, ce sera pas nous autres les pires. Quand il va falloir partir, au moins, on se tendra par la main. Quand ce sera la fin du monde, on se piquera un pick-up et puis des cigarettes. Puis on fumera des tops anyway. On est fait, on est notre propre fin du monde à nous. Quand il va falloir partir, ce sera pas nous autres les pires. Quand il va falloir partir, oh. L'amour est post-apocalyptique, prépare ton sac, on se rejoint dans le portique. Si l'amour est post-apocalyptique, prépare ton sac, on se rejoint dans le portique. Puis nous on passe par la Maine depuis que c'est la fin du monde. Parce que la vie nous frappe comme des insectes sur le pare-brise d'un char. 77, on est notre propre fin du monde à nous. Et puis depuis qu'on est parti, c'est pas nous autres les plus mal pris. Puis depuis qu'on est parti au loin, parce que l'amour, c'est post-apocalyptique. Reprends ton sac, on se rejoint dans le portique. si l'amour est post-apocalyptique, prends ton sac, on se rejoint dans le portique. Si l'amour est post-apocalyptique, prends ton sac, on se rejoint dans le portique. Si l'amour est post-apocalyptique, prends ton sac, on se rejoint dans le portique. Vous venez d'entendre la 12e et la 7e position du palmarès francophone qui en contient 30. Alors, vous venez d'entendre Le cimetière de Frank Cousteau qui se retrouve sur son plus récent album Départ doux, et vous avez aussi entendu Après l'asphalte sur leur album Glitters et Poussière, la chanson post-apocalyptique. Et vous écoutez Critique de Crowd. Et oui, comme à chaque semaine, je vous suggère d'aller visiter, de faire... Oui, j'ai réalisé récemment peut-être que nommer les sites Internet, est-ce que c'est encore d'actualité, toi qui google tout sur ton téléphone cellulaire? Ben moi, je suis vieux jeu et j'aime bien taper vraiment dans la bande de recherche CISM893.ca. Et il y a plein d'autres manières d'écouter la radio. Celle que tu utilises en ce moment est probablement la meilleure, mais sinon, balado-diffusion sur ta télé, il y a plein de moyens, je te le dis, c'est assez capoté. Et sinon, ben t'écoutes Critique de Crowd qui, oui, est toujours emballé par les petites choses de la vie, telles comment écouter la radio, ce bon vieux médium qui est efficace même sur les plateformes les plus récentes. Hey, hey, hey! Grosse critique de Crowd avec quatre groupes spectacles qui avaient lieu hier au ministère. Ben oui, il y avait Bad Bat, le chanteur de Diego Palavas qui ouvrait le spectacle, où il y avait aussi Noé Talbot, Varlop et Guirla Poubelle. Et moi, ben, j'avoue que j'ai connais le groupe Diego Palavas par les compilations de Guerrilla Assaut. Et c'est un groupe effectivement français qui existe depuis 2004. 4 albums, 2 splits. Et leur dernier album, justement, est paru l'année dernière. Il s'appelle En cavale. Et voilà pour votre belle information. Mais hey, hey, hey, il est tout seul, le beau Bad Bat. Seul et vraiment comme un chansonnier avec son pied sur la chaise pour faire tenir sa guitare acoustique. Alors ça donnait... Ouais, une image très classique du chansonnier, et surtout qui prenait le temps de nous converser entre les chansons pour pouvoir aussi mieux nous les présenter. La foule est quand même assez arrivée parce que, tu sais, une heure à l'avance, ça permet au monde d'être présent. Alors non, oui, j'en mets un peu pour mon topo précédent sur l'heure des spectacles, mais aussi parce que je trouve la foule était quand même déjà assez présente à cette heure-ci du spectacle pour le premier band... Premier artiste. Et en même temps, la réaction ne sera pas nécessairement forte, là. Première partie, est-ce que c'est... Waouh, on veut moins s'engager? Est-ce qu'on est plus timide? Ou ça nous concerne pas? Parce que ça, c'était quand même très drôle. Il y a une chanson, il dit, ouais, la prochaine chanson, on va parler de la crise de la quarantaine. Pour tous ceux que ça concerne. Bruit de criquet dans la salle. Alors, il a quand même rajouté que visiblement, ça concernait pas beaucoup de monde. Et moi, ça... ben, comme en ce moment, ça me faisait beaucoup rire. Alors, j'ai ri. Et pendant que je riais tout seul, tu sais, dans la salle, tu sais, je me suis pas esclaffé pendant comme une demi-heure non plus, là. C'est plus comme en ce moment, tu sais, j'ai fait un petit rire. Je me demande toujours comment, si j'étais pas moi, comment j'analyserais mon propre rire. Déjà, il est un peu wack. Tu sais, il est trop fort. Il est un peu décalé avec la situation. Et j'ai toujours peur dans ces moments-là où je ris de bon cœur parce que ça me fait rire. Ça me fait rire que le gars, tu sais, il dit, ah oui, pour tous ceux qui vivent la crise de la quarantaine, puis il est comme, il colline. Je suis tout seul de ma gang et c'est à soir. Fait qu'il y a une espèce de... Oui, il y a une espèce de rapport un peu décalé avec la foule sans qu'on soit pas nécessairement pas avec lui. Mais reste que moi, ça me fait rire. Mais j'espère toujours dans ces moments où je me permets d'être libre dans mon rire. J'espère que personne le prend comme j'ai ri de quelqu'un. Ça se pourrait-tu? Enfin, je m'auto-analyse parce que je me dis que Critique de Crowd, c'est ça aussi, c'est essayer de comprendre des fois les réactions des gens, les comportements des gens, mais des fois, il nous manque parfois quelques petits indices, et surtout et principalement, je ne suis pas personne d'autre que moi-même, fait que ça me limite aussi dans la façon de, oui, comprendre des fois certaines réactions, et des fois, on n'a pas toutes les clés, fait que voilà, et quand même, mon rire aura peut-être hanté quelque autre moment, et dans le spectacle, et dans les spectacles de la soirée, fait que, ouais, la réaction était pas toujours forte. Il y en avait quand même, je tiens à le souligner. Parce que oui, il y a quand même plusieurs moments, en général, dans les différents groupes où on va demander de l'interaction ou l'approbation ou de répéter des choses, puis ça va quand même marcher. Mais une des fois que j'ai trouvé intéressante pour Bad Bat, c'est quand il a parlé d'une chanson qui parlait de la souffrance au travail, et le gars juste à côté de moi, il a dit à sa comparse de foule, « Ah, tu connais ça? » Avec un petit coup de coude, petit air complice. Et en même temps, c'est un peu triste parce que, « Ah, c'était malheureuse au travail, je te souhaite une belle réorientation de carrière ou que tu trouves l'épanouissement dans un autre travail ou dans ton travail en changeant peut-être quelques situations qui sont désagréables. » Enfin, oui, ça aussi, c'est un peu dur comme spectacle. Et aussi dans le punk rock, c'est que des fois, on est ensemble, on est rassemblés et c'est rassembleur, mais des fois aussi pour des trucs négatifs tels que, ah, oh, la société, ah, oh, le travail. Puis je me dis, ah, oh, on est bien ensemble, mais en même temps, j'aimerais ça comme, si on pouvait faire des chansons où on était, ouais, on était épanouis. Et là, là. Mais en même temps, on a passé, oui, ça a passé un bon moment. Et ce que j'ai apprécié, c'est peut-être aussi la spontanéité d'une petite gaffe que Bad Bat a fait. Je dis gaffe, c'est parce qu'il voulait faire une reprise d'une chanson française. Il la commence et, il est en train de la rater, puis il a dit « OK, non, on va laisser faire. » Et on a eu vraiment un rire complice. On est un peu juste moins crié. Fait que ça a été un haut de déception, puis un rire. Puis finalement, il l'a repris. Puis ça, c'était vraiment une réaction spontanée, inattendue. Il y a un revirement de situation très agréable. Fait que là-dessus, j'ai aimé ça parce que, oui, quand c'est improvisé, puis que c'est... oui! Pour moi, ça montre tout le naturel. Il y a une certaine forme de complicité qu'on peut avoir entre l'artiste et la foule, tandis que, comme je vous disais au début, ça pouvait être ouais, un peu plus tranquille. On sentait le silence, je vous dirais, quand il parlait. Tant mieux si personne jasait derrière lui, dans la foule. On sent qu'il y a un petit peu moins d'intérêt. Mais en même temps, comme quand c'est tellement silencieux, ça peut donner comme un tantinet pesant. Fait que tu sais pas trop comment gérer ce silence-là. Comme faut-il le casser? Il tue lourd? Est-ce qu'on est attentif? Très attentif? Et en même temps, on est dans un show de punk rock, tu sais. D'habitude, tu sais, ça brasse. C'est normal qu'il y ait un peu de bruit, tu sais. On boit notre bière, on l'échappe, se pose des affaires. On n'est pas, on n'est pas assis dans des sièges. Oui. En tout cas, c'était quand même une bonne introduction. Je suis contente de l'avoir vu en spectacle. Comme je vous disais, Diego Palavas, je les avais connus avec les splits qu'il a fait, mais aussi les samplers qu'il fait avec Guerrilla Assaut. Et justement, cette chanson que je vais vous passer se retrouve sur le sampler de 2017. Alors, allons entendre Mulhouse. La ville est moche, les chansons moches. rire en détente, suspendu au fond de Après avoir entendu Milhouse de Diego Palavas, bien, vous avez entendu Charlie Fiasco et la chanson Un perdant magnifique qui se retrouve également sur le Sampler 2017. Oui, je vous le suggère bien fortement. Là, il y en a une qui sort à chaque année. Je trouve que c'est une compilation excellente pour faire des découvertes en matière de punk rock français. Et voilà, vous écoutez toujours Critique de Crowd en ce... mon Dieu! D'habitude, je dis tout le temps que mon émission est spéciale, mais cette fois-ci, spéciale danse sociale et punk rock, pourquoi pas? Parce que toutes les émissions de Critique de Crowd sont spéciales. Eh oui, on est rendu au deuxième artiste présent durant la soirée au ministère hier soir. C'était Noé Talbot, que vous connaissez peut-être parce qu'il est derrière le projet Fortune Cookie Club, mais depuis 2014, ben, il fait de la musique en solo. Et je dis 2014 parce que c'est là qu'est paru son premier EP, Beurre Noir. Et cette année est sorti l'album Laissez le poste ouvert. Et je crois que c'était la première fois ou officiellement qu'il était en full band. Tu vois comment il y a des points d'interrogation dans ma voix. Fait que je voudrais pas vous être désinformé. Fait qu'on va on va surtout dire qu'il était en full band au ministère. Et j'ai aimé ça qu'il y ait comme une gradation durant la soirée, que ça commence solo acoustique. Là, c'était full band, mais Noé, il était pas à la guitare électrique. Fait que ça gardait un espèce d'esprit un peu plus mollo acoustique. Après, varlope électrique. Après ça, guerre la poubelle qui vraiment, avec leur énergie habituelle, ramasse tout. Fait que j'ai aimé que cette gradation-là, qui est aussi naturelle dans la foule. Tu sais, on a... Ben, encore là, ça peut toujours être drôle. Il y a des groupes que t'arrives craqué en soi parce que t'as pré-drinké chez vous puis tu veux déjà être énervé au spectacle. Fait que ce genre de show-là, pas besoin de première partie. J'ai en tête, je sais pas comment, Horloge Simard qui... Oh mon Dieu, ils pourraient... Ouais, ils peuvent faire un spectacle sans première partie. On sent pas du tout la différence. Mais de façon générale, quand même, on va à un spectacle puis... tranquillement, pas vite. On s'imprègne de l'ambiance. Et je trouve qu'avec l'instrumentation, ça a comme aidé à cette gradation-là. Ça l'a appuyé même. Alors, voilà, je trouve ça bien intéressant. Et Noé Talbot, ben c'est ça, il commence à full ben. Je trouve que ça amène une bonne ambiance dans la foule, à peu près encore le même nombre et aussi la même distance entre la foule et la scène, puis ça va avoir été à peu près le cas juste à temps que Guerre la Poubelle arrive, puis la distance est quand même assez grande, mais en même temps la salle est assez remplie, puis au centre c'est assez crowded, fait que enfin c'est une petite distance de gêne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça arrive. Alors voilà, mais on est encore un peu dans sa craque. Il y a de l'ambiance, mais non, c'est pas de la gêne, mais tout simplement les réactions sont pas toujours fortes, et particulièrement au début quand il dit avez-vous hâte d'entendre Varlope, il nous dit ça au début du set étant donné qu'ils vont le suivre, et il y a juste le groupe qui a répondu ouais, et en plus Noé Talbot qui en rajoute en faisant ah ben il y a juste le groupe qui répond, alors c'est sûr que ça peut donner un petit malaise, tu sais, est-ce qu'on est en train d'envoyer en tant que foule le message qu'on veut pas les voir? C'est pour être malaisant. Et je vous scrape déjà un peu la critique de Crowd, mais non, quand même, l'ambiance, ça va lever pour Varlope. Alors, pas de réponse à ce moment-là, mais ce n'est pas indicateur de ce qui va suivre. Alors, il va quand même, durant le set, qui ça bouge pas beaucoup, tu sais. Ça danse pas nécessairement. Ça s'ambiance tranquillement, pas vite. Quelques petites épaules qui bougent. Petite approbation de la tête. Petits genoux qui swingent. Petits pieds qui tapent. Bah, tu sais, on voit, là, c'est tranquille, mais on le sent physiquement qu'il y a un intérêt à, tu sais, montrer notre satisfaction musicale. Mais c'est surtout marqué par, l'intention de faire participer le public. Puis il y en a une, je crois que même si j'avais voulu, là, j'aurais pas pu, parce que je comprenais pas. Tu sais, il dit, durant la chanson, il dit « Je vous fais confiance, Montréal, à trois, on ferait un bruit de clown. » Un bruit de clown. Là, je me suis vraiment questionnée, c'est quoi un bruit de clown? Je suis comme, c'est-tu comme pouet-pouet? C'est-tu comme la fleur, tu sais, qui fait pouet-pouet, tu sais, comme sur le costume d'un clown? OK, quel type de clown, hein? Parce que des clowns tristes, puis je veux dire, il y a quand même une certaine variété. Là, je me suis dit, on est dans le forain, là, c'est le clown avec une perruque arc-en-ciel, mais en même temps, à part faire des pouet-pouet, je voyais zéro comment ça faisait du bruit un clown. Si ça avait pas été du bassiste, j'aurais vraiment pas su quoi faire, parce que lui, il a fait une imitation de clown en faisant comme... en glougloutant. Ben ouais, son clown, c'est une dinde. Ça va... Ça n'a pas rapport. Mais j'ai jamais vu un clone faire ça de ma vie. En tout cas, on connaît pas les mêmes clones, certains. Fait que ça a été un moment où je me suis dit, hey boy, la foule, qu'est-ce qu'elle va bien faire? Elle va-tu quand même vraiment s'impliquer? Parce qu'on n'est pas encore rendu là dans la soirée où on sent que les gens sont dedans pis qu'ils veulent. Coup de théâtre. Fait que les gens, ils vont faire des blou blou blou blou blou blou parce qu'ils ont bien compris c'était quoi le son qu'il fallait faire. Mais la toune part en même temps. Oh, que ça camoufle l'insuccès. Ça, je pourrais même pas dire si ça réussit ou non, tout simplement parce que la musique cachait assez bien le fait qu'on entendait des glou-glou-glou, mais pas trop. Fait qu'on était juste comme... ouais, je trouve que ça faisait bien paraître tout le monde, comme... Il avait l'air d'avoir bien entertainé la foule, et la foule avait l'air d'avoir bien interagi, avoir bien répondu à la demande. Mais sans ce petit tour de passe-passe, je serais curieuse du résultat de notre glougloutage. Des doutes, j'ai des petits doutes. Anecdote, il nous en compte quelques-uns. Du titre d'une chanson qui a été choisie. Elle s'appelle Matane, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de titre, puis il dit qu'il était chaud, puis il y a quelqu'un qui a dit « Appelle ça Matane! » Ceci est mon imitation de gaucho à Matane. Alors, il fait quelques anecdotes comme ça, puis il y en a une qui est longue, puisqu'elle est là pour... ouais! Expliquer la chanson, même la dédier à son ex qui est parti dans l'Ouest canadien parce qu'elle était pas bien avec elle-même. Puis là, il dit « Ah, on s'est laissé, puis elle m'a trompé. Ah, la monogamie. » Et ouais, il en parle, il dit « Je suis sans amertume, mais j'ai beaucoup de compréhension pour elle. » Et il commence la chanson, et permettez-moi l'expression, il va gueuler des « va chier ». Alors, on voit bien la petite blague, et la réaction est quand même dans la foule, mais je n'ai pu m'empêcher de penser à la bande dessinée Minimax de François Donatien qui a exactement la même joke. OK, c'est pas exactement la même joke parce que dans le livre, c'est les premières pages. Je vous conseille très fortement de lire l'album parce que le personnage anime à CISM! Mais aussi, c'est ça. Dans le fond, le début, elle dit « Ah, c'est une chanson pour mon chum. » Puis pendant deux pages complètes, elle l'envoie promener en gueulant sur scène. Puis après ça, elle le remercie. Fac! Je suis très curieuse de savoir si c'est le grand hasard des hasards qui fait en sorte que Noé Talbot a fait ce petit intermède pour cette chanson extrêmement courte où il a envoyé promener son ex, ou il s'était inspiré de cette bande dessinée que je vous suggère encore et encore. À suivre, il va falloir y poser la question en vrai, je pense. Alors, d'autres interactions, ben oui, pas interactions, mais plutôt interactions comme faire répéter des choses au public, des parties de chansons, les ministres, les patrons qui ont été pétés plusieurs fois. J'ai souvenir d'une fille... dans sa belle robe fleurie, je trouvais qu'elle, elle a vraiment, je trouvais, donné le ton de la foule est un petit peu plus crinquée parce que justement, elle était crinquée en le chantant. Mais on voyait qu'elle le surjouait un peu. Elle s'amusait avec ses amis tout en donnant, oui, généreusement de son gueulage pour les ministres, les patrons. Il va en avoir un autre encore une fois. Mon Dieu, les termes scatologiques sur les ondes de CISM, mes excuses, douces oreilles. Parce que oui, après ça, on va dire de la marde à la fin de son set. Alors, ça aurait été, ouais, peut-être cathartique pour tous ceux qui auront permis de se le dire. Sinon, tu vois comment j'ai la misère à le dire, mais je vais le dire. Il y a eu un moment où il dit « Encore une fois, Montréal, encore une fois, tu sais, pour de la marde. » Puis il a dit « Plus d'énergie. » Et je crois que je commence à faire une petite allergie, parce que je vous ai parlé plus qu'une fois d'Alex Rien, de Despise Icon et Obey the Brave, qui dit « Je veux voir plus d'interactions, je veux voir. » Puis moi, je disais « Plus d'énergie. » Mais donne-nous ça, on va t'en donner plus. Je veux dire, je n'ai jamais compris pourquoi tu veux quelque chose que tu nous offres pas en tant qu'artiste qui déjà devra en donner plus que son public. Comme les gens, tu sais, comme ton public est déjà conquis parce que, je sais pas, il s'est passé de quoi dans le point culminant de ta carrière qui fait que ta foule est comme « Ah! » avec toi à mort, tu sais, avant même que tu commences, tout le travail qu'il y a derrière pour que les gens soient autant dedans avant que t'aies fait quoi que ce soit. Fuck! Quand on me dit plus d'énergie, je suis comme ça me fait un petit effet. Mais au final, ça, c'est toujours pertinent parce que les gens, ben oui, ils en donnent plus, puis oui, ça donne une meilleure ambiance générale au spectacle. Alors, c'est Critique de Crowd qui fait ça difficile. Mais c'est pour le meilleur du spectacle qu'elle fait ça difficile. Alors, sur ce, je suis dans les compilations, fait que j'avais décidé de continuer dans cette thématique en vous présentant une chanson qui se retrouve sur la toute première compilation Zoo 1 de Slam Disc, Je serai oublié de Noé Talbot. « Cette ville est morte, ce monde est rongé. J'ai parcouru chaque coin de ce pays, j'ai oublié chaque visage et chaque ville. J'ai bu la route jusqu'à chaque heure de chaque jour qui me séparait chez nous. Mais tout ça c'est de la mort pour moi, parce que je l'ai pas vu avec toi. Non, ça représente rien pour moi, si seul. Ce corps est mort, ce cœur est rongé. Je suis venu, j'ai vu, mais j'ai jamais rien conquis. Toute ma vie, elle se résume au vide d'une vanne, aux maisons bourges, aux abarcrades. Je me suis saigné l'homme pour trouver un peu d'espoir. Mais tout ça c'est de la merde pour moi, parce que je l'ai pas trouvé avec toi. Non, ça représente rien pour moi, si seul. Un jour je serai plus là et je serai oublié avec ces tristes lignes si froides. Un jour oui je serai mort, chaque mot oublié, elle vivra sans même s'en rappeler. Mais si vous la voyez, dites-lui que j'ai essayé. Si vous la voyez, dites-lui que j'ai essayé. Si vous la voyez, faites juste lui rappeler que j'ai tellement essayé. Reprise de Smoke or Fire par Noé Talbot, Je serai oublié, sur la compilation Zoo 1. On pourrait continuer tout de suite en musique parce que lui, Noé, durant son set, il a parlé justement de Matane. Et par la suite, Varlop va aussi parler de Matane, me dire coudonc, tout le monde a des anecdotes sur Matane. Et peut-être aussi esthétiquement, Varlop, peut-être par le franc-parler, la façon aussi de parler de leur propre ville, ça m'a rappelé Les Vilains Puceaux. Et ça, c'est toujours une très bonne raison pour en penser toujours plus sur Les Ondes de la Marge, Les Vilains Puceaux et la chanson Matane, Ville du Poel. On se tape dans face à coup de chez ça, on se tape sans gueule pis on aime ça. On se tape dans face à coup de chez ça, on se tape chez lui pis elle aime ça. On se tape dans face à coup de chez ça, on se tape sans gueule pis on aime ça. On se tape chez lui pis elle aime ça, parce qu'on est trop Matane. Matane, Ville du Poel. Matane, Ville du Poel. Matane, Ville du Poel. Matane, Ville du Poel. Matane, Ville du Poel. Matane, Ville du Poel. Si ramène ta blonde à soir, souci ramène ta mariage. Si ramène ta soeur dans ma souci, et sous ta séculasse. Souci ramène ta blonde à soir, souci ramène ta mariage. Souci ramène ta soeur dans ma souci, ramène ton père, je dis. Tabarnak! Go! matin, t'es du poil. Et toutes sortes de poches, t'es ta matin, t'es du poil. Et toutes sortes de poches, t'es ta matin, t'es du poil. Et toutes sortes de poches, t'es ta matin, t'es du poil. Bien efficacement, vous venez d'entendre le groupe Varlop et leur chanson Fuck Varlop qui se retrouve sur leur album Sed Lex. Et vous avez entendu je les aime, les vilains puceaux et la chanson Matane, Ville du Poil, les vilains puceaux. Et Critique de Crowd, ben oui, on est rendu, j'en parle depuis le début, Varlop, Varlop. Ben c'est un groupe de Québec qui va se proclamer un groupe local parce qu'on l'a, de leur dire, ils sortent un peu de leur ville. Et on parle aussi beaucoup dans leurs chansons et dans le. Ouais, dans leurs intermèdes, puisque on va autant parler, ben oui, de vivre à Québec que des radios poubelles, que de la merch. Je crois que ça aurait été le premier point abordé là, au début du spectacle, comme quoi la prochaine chanson, ils envoyaient promener la meute. Et oui, il y aura eu réaction, alors je crois aussi que c'est les sujets qui amènent quand même une tension supplémentaire dans la foule. S'il n'y avait pas eu de réaction, ça aurait été quand même plus malaisant et j'aurais pas pu dire, ah, ben oui, les gens étaient juste pas encore crinqués. Tu sais, des fois, il y a des sujets trop sensibles pour pas non plus réagir. Alors voilà, fait qu'il va y avoir quand même plus d'animation justement durant Varlop. La foule pas encore nécessairement très active, mais dans la première rangée, il y a encore une distance entre la scène et la foule, mais vraiment il y a quelques personnes qui hochent la tête vraiment non, ils headbang pas puis ils dansent pas. Je sais vraiment pas comment bien le décrire parce qu'ils étaient plutôt statiques, mais ils prenaient de la place, disons dans leur mouvement, on voyait qu'ils étaient dedans, qu'ils étaient plus qu'ambiancés là. Ils s'agitaient mais sans se déplacer. Alors là-dessus, on voyait déjà qu'il y avait quelques personnes qui étaient venues en partie peut-être aussi un peu pour Varlop, ceux qui les découvraient et qui étaient enthousiastes, mais de façon générale, ben oui, je vois bien que les gens, sans dire qu'ils gardent leur énergie, oui, sont très présents pour Guérilla Poubelle. Sur ce, ben oui, il y a eu des chansons qui, il y en a une, celle qui a rentré le plus, c'était celle où il disait « Fuck Matane », puis après ça, c'était « Fuck Varlop », comme vous avez entendu, et tous ces « fuck » me donnent toujours envie d'entendre Julien Gasse qui vous dit « fuck » sur les ondes de CISM. Fuck. J'aime bien penser, Julien Gasque, cette chanson qui se retrouve sur Serre, Biche et Femme, puisque ça me permet de dire sans gêne fuck sur les ondes de CISM. Vous avez entendu fuck. Alors voilà, voilà, voilà pour la critique de Crowd. Maintenant, de Guerilla Poubelle. Et oui, j'essaie de compter combien de fois j'avais fait des critiques de Crowd. Une fois au Catacombe, deux fois au Catacombe. Au Piranha Bar, en surprise, durant le Pouzza Fest. L'année dernière, au Ritz PDB. Et jadis, parce que, ah, là, j'ai le décompte plus chronologique. Au Petit Campus, et cette fois-ci, au ministère. J'ai l'impression que c'est la fois la plus tranquille. Est-ce que c'est parce qu'on était à mercredi? Ah, mauvaise réponse. L'année dernière, il y a deux ans, enfin, à la sortie d'Inferno, ben ouais, c'était aussi un mercredi au Ritz PDB. Fait que je me suis dit, non, ça n'a pas de raison. Mais, et c'est faux, tu sais, ça trashé. Simplement, j'ai trouvé que les gens étaient à une certaine retenue au départ. Ça a pris une demi-chanson avant que ça se place un peu. Et je vous dis ça parce que, justement, de mes expériences précédentes, ça peut partir assez rapidement, ça peut être assez intense. Je me rappelle, justement, la dernière fois au Ritz, comment le chanteur, t'il disait comme « Faites attention, faites-vous pas mal, hein, c'est pour le plaisir de trasher. » Parce qu'effectivement, quand il y a beaucoup de cross-punk, ça peut être quand même un petit peu plus un petit peu rentre-dedans, là. Hein, on a envie de le vivre comme un bon gros catharsis, comme « Ah, on purge notre méchant, il sort. » Et tu vois, quand ça commence pas, tu sais, comme vraiment rapidement, ça donne pas cet esprit-là aussi, globalement, au reste de la prestation dans la foule. Fait qu'on voit que les gens sont animés, ça saute. Mais non, le début, vraiment, ça a été extrêmement tranquille. J'étais surprise. Et finalement, ce sera quelqu'un de, ouais, un peu plus imposant, là, qui va se mettre comme, ah, à tasser le monde. Tasser sans vraiment les pousser, là, mais tout simplement avec un déplacement de la foule, je crois que ça va avoir bien amené le pit. Et pour de vrai, ça a quand même pris assez de temps que je me suis questionnée, me suis dit, coudonc, Guerilla Poubelle, sont-ils comme virés straight edge, puis ils veulent plus qu'on trash à leur show, comme pour respecter aussi peut-être ceux qui aiment pas trasher. Et sur ça, je dirais, ben écoute, chacun trouve sa place dans la foule, fait faut pas s'empêcher non plus cette danse si agréable. Enfin, moi, je l'apprécie. Fait que, ouais, c'est pour de vrai, pour que j'ai eu cette réflexion-là, ça veut dire que ça aura eu du temps pour placer un peu l'ambiance du spectacle. Mais après ça, non, ça va continuer tout le long. Et pour continuer sur le pit, ça va être surtout une première rangée. Le stage est bas en passant, là, fait que c'est sûr que pour la première rangée, les poussées n'étaient pas assez grandes pour que ça soit tout le temps en train de plier non plus, là, mais le pit se résumait surtout à pousser en avant. Il y avait un gros espace en arrière, un gros rond, mais les poussées se faisaient en avant. J'ai trouvé ça très unidirectionnel, si je peux dire. Ah! Mais ouais! En tout cas, c'est drôle, j'ai pas trouvé mon compte, étonnamment, dans ce pit-là, comme si le mouvement amenait peu de variété, pas juste peu de variété, mais plus possibilités aussi. Je me sentais jamais en train de, ouais, d'avoir une interaction avec les gens. T'es juste comme en train d'essayer de trasher. Fait que c'était un peu particulier. Alors, pour une fois, je vous dirais que c'est pas tant l'ambiance dans la foule qui est venue me chercher durant le spectacle, mais plutôt, ouais, toutes les interactions qu'il y a entre le public et Till, et surtout les messages que Till envoie dans ses spectacles, surtout dans les dernières années. On le voit à travers les paroles des chansons aussi, les réflexions sur l'inclusion des femmes dans le milieu punk, des genres non-binaires, aussi avoir un lieu où on puisse se sentir à l'aise, que chacun se respecte, et surtout qu'on puisse vivre nos émotions. Plus qu'une fois, il va le dire comme, venez me voir s'il y a de quoi qui va pas, si vous avez de la tristesse, si vous voulez partager quelque chose, aussi de vouloir que les gens parlent ouvertement de leurs problèmes d'anxiété. Je trouve que c'est important, c'est beau. Oui, ça, pas que ça se répète, mais tu sais, c'est pas la première fois que je les vois en spectacle et qui ont ces messages-là, mais on voit la pertinence de les répéter parce que c'est une très belle anecdote. Mon Dieu! Paraît-il que au dernier spectacle au Ritz PDB, ben il a justement parlé du fait que il devrait pas avoir le trash a été violent, mais pas de violence, puis que tout le monde devrait être respecté dans le milieu punk rock. Et il y avait paraît-il un garçon qui justement avait de très mauvaises habitudes avec la violence et les femmes. Et il y a des filles justement qui ont eu le courage avec ce que Till a dit sur scène pour leur dire, ben je crois que tu n'as pas ta place au spectacle, je crois que tu n'as pas ta place dans le milieu si tu as ce comportement-là qui n'est pas inclusif. Et je trouve ça beau que ça ait eu, ouais, ça a permis d'avoir le courage. Des fois, j'ai l'impression que dans les milieux militants, tu sais, on on sépare un peu les gens pour pouvoir se sentir rassemblés, mais je crois que en considérant, ouais, un homme solidaire aux causes féministes, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir tous s'en sortir globalement, là. Je trouve ça très, très, très important que les hommes soient féministes et je crois que le spectacle donnait ce message-là. Je crois que c'est important, oui, dans le milieu punk, ça devrait l'être dans tous les milieux. S'il faut l'affirmer aussi concrètement, faisons-le, parce que ça fait du bien et on voit vraiment que ça a des répercussions concrètes, que des gens se sentent mieux après en spectacle et qu'ils puissent justement aller plus souvent voir des shows en se sentant en sécurité. Je trouve que là-dessus, c'est assez incroyable. Alors voilà, on en ressort toujours... J'allais dire grandi, mais on a parlé beaucoup de safe space, puis des fois, oui, ça, les questionnements qu'on peut avoir avec ça, puis comment concrètement on peut les appliquer, mais je trouve que durant un show de guérilla, ça amène une ambiance où on sent surtout un peu, ouais, tous sur la même longueur d'onde, et on a envie de tous continuer dans ce chemin-là. Alors, c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'on en ressort plus grandi, en ayant moins trashé, mais plus heureux, pourquoi pas. Alors, voilà, c'était ma critique de crowd pour Guérilla Poubelle au ministère hier soir. Sur ce, on va aller en écouter. Ils l'ont joué hier soir et c'est une de mes préférées. Allons entendre Nulle part, c'est chez moi. Vous avez écouté Critique de Crowd et on se revoit la semaine prochaine. Au 22 juillet, on quitte la ville pour le festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix. 80 spectacles sur 22 sites différents, performances, surprises, paysages à couper le souffle et produits locaux à seulement 50 minutes de Québec. Le festif présenté par SiriusXM en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à Loto-Québec, Desjardins et Bell. J'ai hâte au festif. Lefestif.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique, l'événement incontournable de la musique du monde, vous donne rendez-vous à Montréal du 10 au 22 juillet pour sa 32e édition. Ne manquez pas le prince de l'Afrobeat, Femi Kuti et The Positive Force pour un grand concert d'ouverture explosif. En grande première, Jazzy Assatour et sa musique Shabby aux influences soul et pop. Et aussi Tété, Miklin, Sekouba Bambino, The Scatalites et bien d'autres. Découvrez toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com. CISM est fier de s'associer à la 22e édition du Festival international de films Fantasia du 12 juillet au 2 août inclusivement. Découvrez plus de 125 longs-métrages et 220 courts-métrages. Dans le cadre du festival, CISM vous propose...